désirs appellent et qui s'en vont hautes les ailes et déployées vers la douceur du nid. À travers l'espace, par leur vouloir porté, ainsi que le chantait le poète en sa divine comédie. Quoi di colombe dal desio chiamate, l'ali spiegate ferme al dolce nido, venian per l'aere dal voler portate. Quali colombe dal desio chiamate. Nos âmes peut-être un jour s'oniront-elles de par deux à l'infini, dans l'espace et le temps divinement réunis, comme jamais nous ne le fûmes sur terre.